Vous écoutez ? La croche-oreille. Salut tout le monde, bienvenue à La Croche-Oreille, une aventure sonore sur les ondes de CKRL 89.1 sur le poste radio. Une aventure que l'on peut capter aussi sur la toile à ckrl.qc.ca. Gaëtan Gosselin au microphone, un plaisir de vous retrouver ce soir en compagnie d'une musicienne, artiste sonore et improvisatrice qui est une passionnée des instruments à vent et une exploratrice du potentiel de la trompette depuis qu'elle découvre l'instrument à l'école, tout simplement dans une classe d'initiation à la musique. J'accueille ce soir en entretien Émilie Fortin, qui a fait beaucoup de chemin depuis le Conservatoire de Val-d'Or jusqu'à aujourd'hui, une Montréalaise qui collabore et travaille avec de nombreux artistes, interprètes, compositeurs et compositrices pour créer de nouveaux répertoires et de nouveaux territoires sonores pour la trompette. Fondatrice de l'ensemble Bacar Larry, un ensemble de solistes visant à promouvoir les nouvelles musiques, Émilie Fortin demeure très engagée à la promotion, à la diffusion et à l'enseignement des musiques d'expérimentation par le truchement, il va sans dire, de la trompette. J'ai eu la chance de rencontrer Émilie Fortin chez elle dans le quartier Rosemont-Petite-Patrie à Montréal. Elle nous raconte ce soir sa trajectoire, ses découvertes et ses inspirations assorties de ses explorations sonores à la trompette. Alors on écoute Émilie Fortin. Émilie Fortin, bienvenue à l'émission. Très heureux de te rencontrer. Bien, merci beaucoup de l'accueil. Moi aussi, très heureuse d'être là. Émilie, c'est tout de même fascinant d'écouter une artiste qui improvise à la trompette, parce que, bon, c'est pas très courant comme, comme pratique artistique. Et puis, bien évidemment, d'entrée de jeu, comment la trompette apparaît dans ta vie et pourquoi ça devient un instrument de prédilection? Oui, bien en fait, moi, avant d'entrer au secondaire, on avait des petites réunions là, pour choisir quelle option on voulait prendre, art dramatique, sport, musique. Moi, je suis native de Val-d'Or en Abitibi, donc ce qui est chouette, c'est qu'on a un conservatoire. Puis, j'étais pas très sûre mais où j'allais, mais je me souviens d'entrer dans la salle de musique puis de faire « Oh mon Dieu, ça a l'air vraiment le fun ». Puis là, on disait « On va faire des petits voyages à la Sherbrooke pour la compétition des ensembles avant », tout ça. Fait que là, c'était vraiment excitant. Et là, l'été, avant d'entrer au secondaire, j'écoute la télé. Et ma chaîne préférée dans ce moment-là, Art TV, je tombe sur… Je savais pas que c'était un show de Broadway à l'époque, mais le show de Broadway Blast. En fait, c'est des créateurs qui ont fait le show pour les musiciens et musiciennes de drum corps. Donc, aux États-Unis, là, les grands ensembles qui vont jouer pendant les matchs de football, tout ça avec ces percussions cuivre avec des immenses chorégraphies. Donc, ces gens-là, en fait, ils doivent prendre leur retraite à 21 ou 22 ans, si je ne me trompe pas. Donc, ils étaient comme, bien, on a des gens avec un skill set qu'on ne peut pas réutiliser. Donc, on a créé un show pour eux, puis je suis tombée là-dessus, puis c'était incroyable. Je me souviens, il y avait des musiciens sur des unicycles qui faisaient le thème des Simpsons, tu sais, qui dansaient tout ça. Puis je me souviens d'avoir vu la trompette, puis de me dire « Wow! » C'est normal le fun parce que la trompette a souvent la mélodie, est souvent à l'avant-plan. Puis après ça, tu sais, j'étais comme plus attentive, j'écoutais la radio, je disais « Ah, oh, il y a des chansons plus pop, rock, où est-ce qu'il y a de la trompette? » Puis bref, on a une journée d'essai des instruments pour savoir ce qui fonctionne avec nous. J'étais capable de jouer du saxophone ou de la trompette. Donc, c'était clair que la trompette allait devenir mon instrument. Je l'ai eu. Puis après ça, je dirais que la trompette a vraiment une belle place dans la musique d'ensemble avant. Donc, c'était... j'aimais vraiment ça. J'aimais ça être un peu... on dit souvent des trompettistes que c'est des personnes un peu fières avec un gros ego. Je sais. mais je pense que ça... Tu sais, j'aimais le défi que représentait la trompette d'être souvent plus à l'avant-plan. Puis c'est ça, je suis entrée au Conservatoire de musique de Val-d'Or en secondaire 3, quand j'avais 14 ans. Donc là, c'est là que j'ai commencé à avoir des cours privés, cours de solfège, musique de chambre. Après ça, bien, naturellement, on continue au cégep avec un DEC en musique. Mais j'avais fait aussi un DEC en sciences humaines parce que, bon, hein, je suis la seule, si je peux dire, artiste de la famille, même s'il y a des gens qui aiment beaucoup les arts, mais, tu sais, on veut s'assurer un petit quelque chose en arrière, là, donc on fait un DEC en sciences humaines. Puis après ça, c'est ça, ça a vraiment continué à l'université quand je suis déménagée à Montréal. Puis j'ai jamais eu de doute que la trompette... allait rester mon instrument. Et est-ce qu'au cours de toutes ces années, il y a d'autres instruments qui t'ont un peu tenté, là, où on dit, bon, la trompette, c'est un cuivre, c'est une sonorité particulière. Et bon, est-ce que tu as expérimenté ou tu t'es frotté à d'autres instruments ou si t'es resté fidèle? Oui, bien, au final, ça demande tellement de temps et d'investissement d'apprendre un instrument que je suis restée pas mal fidèle. Cependant, tu sais, j'ai eu comme une année de piano. Puis je me souviens d'avoir pensé, « Oh mon Dieu, c'est incroyable, on peut pratiquer tout le temps. » Parce qu'un cuivre, c'est une famille d'instruments où il y a quand même une fatigue physique. C'est très physique. Je peux pas pratiquer 10 heures de temps par jour. En fait, j'apprécie vraiment ça. J'aime que ben j'ai un temps limite, puis après ça, je peux aller faire d'autres choses. Donc, mais avec l'improvisation, l'expérimentation, ça me permet d'aller chercher d'autres sonorités que j'aurais pas nécessairement juste avec la trompette. Oui, tu parles d'expérimentation, d'improvisation. On va écouter une première pièce pour donner aux auditeurs, auditrices une bonne idée du travail que tu fais à la trompette, parce que c'est un travail très singulier. On va écouter une pièce qui s'intitule Willy Wah, Ice Wall. Ça, c'est un travail que tu as fait avec, en collaboration, n'est-ce pas? Tu me rappelles avec qui tu as réalisé cette impro? Oui, tout à fait. Donc, Willy Wah, c'est un trio récemment formé avec Philippe Lausier au saxophone clarinette, Kellen Young au trombone, moi-même à la trompette. Puis les trois, on utilise beaucoup les objets, donc que ce soit des ballons, des sourdines. On modifie beaucoup nos instruments pour essayer de créer une sonorité vraiment homogène qui brouille un peu les pistes de qui joue quoi. Alors, on écoute ça. Thank you. Émilie, quel a été le moment d'éveil au travail expérimental, à l'expérimentation, à l'improvisation? Parce qu'au fond, tu travailles aussi dans ces zones où on explore les sonorités de la trompette au-delà du répertoire qu'on pourrait qualifier de classique. Donc, à quel moment il y a cette bascule qui fait qu'on est sorti du conservatoire avec une formation plutôt classique et puis on se lance sur des territoires là, inexplorés? Ben oui, c'est ça exactement. Moi, dans ma tête, jusqu'à presque toute la fin de mes études, je me disais, je vais être musicienne d'orchestre. C'était parce que c'est ça qu'on est beaucoup enseigné à l'université, en fait. Mais l'année entre mes deux années de maîtrise, l'été entre les deux années de maîtrise, j'ai participé au laboratoire de musique contemporaine de Montréal. Un truc, malheureusement, qui n'existe plus, mais où on mettait en collaboration des compositeurs, des compositrices avec des interprètes pour créer des pièces. Puis, justement, on avait des petits ateliers sur l'improvisation, des choses comme ça. Donc, ça a été mon premier contact. Puis, je me souviens d'avoir quand même beaucoup, beaucoup aimé ça. Mais vraiment, lorsque la switch a été à « on », si on peut dire, c'est ma deuxième année de maîtrise à McGill. J'ai fait le séminaire sur la musique de Vinko Globokar. Puis, en fait, on créait sa pièce « Laboratorium » qui est vraiment, comme le titre le dit, une grosse expérimentation avec, par exemple, je me souviens, on mettait parfois nos instruments dans l'eau. On tournait sur nous-mêmes pour créer un effet. Puis c'était vraiment avec la percussionniste Ayun Hang, c'est elle qui donnait l'atelier, parce qu'elle avait travaillé avec Vinko, puis il est venu à Montréal, donc on a joué pour lui. Puis ça a été vraiment le moment où j'ai dit, « Oh mon Dieu, je pense que je suis sur mon X », parce que c'était une musique que j'avais jamais connue, que je ne savais pas qu'il y avait une certaine théâtralité aussi. C'était pas juste le son, mais c'était l'ensemble de l'expérience. Et moi, avant de faire de la musique, je me souviens d'avoir vu Titanic en 97, puis de me dire « j'aimerais tellement être une actrice ». Et j'avais fait des cours de théâtre au secondaire, au cégep, donc ça a été quand même toujours important. Puis là, je voyais un type de musique où je pouvais également mettre ça en lien. Puis là, ça a été vraiment, je me souviens que le conseil a fallu l'organiser en fait autour de moi, juste parce que je voulais être dans toutes les pièces. Je tripais trop. On sent là-dedans qu'il y a tout de même une importance qui est donnée à la mise en scène, à la fois du performeur et de l'instrument. Oui, tout à fait. Puis pour moi, c'est vraiment ça qui me parle, que je veux faire vivre aussi, parce que je trouve que le son, c'est complet, c'est une expérience en soi, mais je me souviens des frissons que j'ai eus en voyant des gens faire ça. Puis en fait, on peut revenir au show de Blast que j'ai vu. Bien, ce que j'ai vu en premier, c'est pas un orchestre, ça n'a pas été ça mon premier contact, ça a été des gens qui bougent sur scène en faisant de la musique. Donc, je pense que c'est normal que ça m'a amené dans cette direction-là. Tout à fait, c'est intéressant comme présentation. Écoute, on va y aller d'une autre pièce. Celle-là s'intitule « Oh, oh, oh, oh », partie 2. Tu me rappelles, est-ce que si c'était une pièce d'improvisation, là aussi, en collaboration ou pas? Non, c'est juste moi-même, en collaboration, en fait, avec un micro de karaoké. J'étais en résidence à Offered Music, puis j'avais du temps. Je me suis dit, j'essaie des choses. Puis en fait, ce qui est le fun, c'est que j'utilise le reverb du micro j'ai deux trompettes, donc je joue avec les pavillons de ma trompette. J'aime beaucoup justement brouiller les pistes entre l'électronique et l'acoustique. Puis ça, en fait, c'est acoustique. C'est juste le micro, puis ça reverb. Thank you. Émilie, on vient d'entendre un travail d'exploration sonore avec la trompette. Quelle est la place de cet instrument-là dans l'univers de la création en général? Comment tu le perçois? Parce que, les trompettistes sont pas si nombreux. Hein? C'est un instrument qui est exigeant, tu l'as évoqué tout à l'heure. Mais sa place dans le monde de la création, musicale, certes, mais aussi sonore, là, quelle est ta lecture? Oui, je pense que malheureusement, la famille des cuivres, je dirais, c'est peut-être celle qui est la moins développée dans la création, dans l'exploration, peut-être de sa méconnaissance, en fait, puis du fait que, justement, on l'associe, je pense que c'est vraiment un instrument, la trompette, qui est stéréotypé. Hein? On l'associe à de la fanfare, à de l'orchestre, un son fort, mais il y a tellement d'autres possibilités. Puis au début, je pense que j'en ai fait un peu mon cheval de bataille de dire, mais je veux créer des nouvelles pièces pour la trompette, puis la faire connaître, puis... Là, maintenant, parfois, je donne des ateliers sur comment écrire pour les cuivres, pour la trompette, parce que c'est ça, j'ai l'impression qu'on s'imagine, c'est très... tu sais, le violon, par exemple, on peut jouer un peu sans jamais s'arrêter, mais la trompette, c'est pas ça. Mais c'est facile d'écrire quand même pour l'instrument, il faut juste le connaître un peu, puis j'ai l'impression que... Il n'y a pas de temps de travail. C'est un peu, tu sais, les traités d'orchestration, d'instrumentation sont un petit peu, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'on utilise encore les mêmes puis que ça n'a pas eu l'essor. Puis, tu sais, si je pense, par exemple, à un instrument comme le saxophone qui n'a pas nécessairement sa place dans l'orchestre, malheureusement, bien, ça s'est fait vraiment plus développer du côté soliste. Tandis que la trompette a sa place en jazz, en orchestre, en fanfare. Donc, c'est comme s'il y avait déjà... un répertoire qui a été fait, puis on n'a pas été plus loin. Fait que j'ai l'impression qu'en effet, c'est pas l'instrument qu'on connaît le plus, mais j'espère que ça va être de plus en plus découvert. Puis je pense que les cuivres, c'est une famille d'instruments, tu sais, on a les sourdines, des choses qu'on n'a pas dans les autres familles. On est vraiment versatile, puis c'est ça que j'aime. Bon, Émilie, on vient d'entendre une pièce de Jason Dole qui s'intitule « Cause You're Wonderful », sur laquelle tu participes. Et bon, à l'écoute de ça, ça me faisait penser, comment ça démarre un projet d'improvisation ou encore un projet de création quand on t'interpelle pour faire de l'impro ou encore quand tu essaies, là, de, à ta table de travail avec ton instrument, de développer un continuum sonore ou musical? Comment tu te prépares? Comment tu fais les choses? Oui, bien, je dirais que ça a beaucoup évolué au fil des années, puis que j'en suis rendue à un point où, pour moi, la collaboration se fait d'abord et avant tout sur le plan humain. C'est-à-dire que j'ai besoin d'avoir une connexion avec la personne avec qui je travaille, que pas nécessairement que ce soit ma meilleure amie, mais quand même que je sens qu'on... En fait, qu'on a des intérêts communs qui sont pas nécessairement sur le plan musical, mais juste que la personne... Pour moi, c'est d'abord un échange de « je suis une personne qui rencontre une autre personne ». Puis après ça, comme je disais avant, je pense que mon but, là, c'était de dire « ah, je vais créer toutes les pièces possibles ou je vais faire le plus de répertoire contemporain possible ». Jusqu'à temps que j'ai des expériences où j'étais, bon, disons, on me donne une pièce. T'sais, on m'a approché pour écrire une pièce, on me donne la pièce qui est presque complètement écrite, puis on me demande juste de l'interpréter. Et je me rendais compte que c'était plus aussi satisfaisant qu'avant. Et là, pour moi, je fais vraiment la différence en dire, on écrit une pièce pour trompette versus on écrit une pièce pour Émilie la trompettiste, qui pour moi est, en fait, presque la nouvelle forme de virtuosité, je peux dire. Par exemple, il y a eu des moments dans la musique où la pièce devait être techniquement super difficile. Et c'était ça, la virtuosité. Mais pour moi, aujourd'hui, c'est de savoir qu'un compositeur, une compositrice a écrit une pièce avec une personne en particulier en tête et qu'il y a eu une discussion. Par exemple, en fait, je reviens du Nouveau-Brunswick où je travaille avec Sophie Dupuis, qu'on va entendre un peu plus tard, je pense, dans l'émission, mais sur un nouveau concerto de trompette. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dès le début, la personne va me donner ses idées. Moi, je renchéris avec d'autres idées. Puis, ce que l'improvisation m'a permis, c'est de développer un vocabulaire, en fait, de sons que j'aime, de sons que je trouve qui vont bien ensemble, d'accessoires que j'utilise pour augmenter mon son. Et là, c'est de bien, montrer ça, puis de voir comment ça pourrait se mettre. Donc, ça part vraiment d'une discussion. Et c'est un processus collaboratif assez étroit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas... ça ne sera pas un an là, sans qu'on ait aucune discussion. Sinon, ah, est-ce que tu peux me jouer ça? Puis, tu sais, on n'est pas obligé d'être dans la même ville. Là, c'est maintenant avec la technologie, c'est comme, attends, mais je vais essayer ça. Attends, je vais essayer quelque chose. Puis j'aime beaucoup être challengée, c'est-à-dire que si tu me dis, ah, tu peux-tu faire ça? Puis là, tu sais, si mon premier réflexe, c'est de faire, non, attends, je vais l'essayer. On va voir. Ah, OK, ça donne. Donc, l'expérimentation, l'improvisation est au cœur vraiment de la création, que ce soit dans n'importe quelle direction que la création va. Mmh, je comprends là, qu'il y a toujours cette idée du dialogue là, qui permet d'évoluer dans la création des pièces ou en tout cas des performances. On va écouter d'ailleurs une de tes impros. Elle est sans titre et ça va là aussi donner une belle idée du travail d'exploration que tu fais. Oh, Émilie, on a parlé beaucoup de la trompette, des collaborations, et j'avais le goût de voir un peu quelles étaient pour toi tes sources d'influence dans le monde des arts en général. Bon, parce qu'il y a la musique, la trompette, mais aussi des pratiques qui, t'as déjà un peu abordé, mais qui sont pour toi des sources d'inspiration. J'aimerais qu'on revienne un peu là-dessus, sur l'importance que ça a dans ton cheminement de carrière. Oui, ben c'est sûr que c'est ça, tout ce qui a rapport au mouvement m'interpelle vraiment beaucoup, beaucoup. Donc, si je relis ça à la musique, je dirais que tout ce qui est musique gestuelle, donc qui va utiliser le geste en partition, en fait, je me souviens d'avoir découvert ça, puis que mon monde a été comme complètement chamboulé. Donc, je pense à des personnes comme Jennifer Walsh, une compositrice irlandaise, qui fait vraiment des performances, des événements, là, des expériences totales où ce qu'elle va chanter, mais il va avoir aussi beaucoup de mouvements, de la danse, c'est vraiment complet. Puis par exemple, une de ses pièces, c'est de faire de la planche à roulettes. C'est un peu limite fluxus, là. Donc des choses comme ça. Je pense à un compositeur comme François Sarran aussi, compositeur français qui a fait, je me souviens d'avoir vu sa pièce Homework, qui est un 13 minutes où la personne utilise son corps comme percussion et dit des mots. Puis c'était, je me souviens d'avoir été tellement impressionnée par ça. Je pense à Another Stage, qui est une compagnie qui est à Vienne, qui fait même chose. C'est comme la musique et la base, mais ils collaborent. Je pense que c'est, si je ne me trompe pas, une chorégraphe et un compositeur qui travaillent ensemble. Puis également beaucoup de danse. Ça m'interpelle beaucoup. J'ai suivi des formations en mime corporelle à l'école Omnibus. Donc, j'aime aussi cette... j'aime qu'on puisse raconter une histoire sans utiliser de mots, en fait, ce qui est la nature de la musique, mais on peut le faire aussi avec le corps. Donc, je dirais, ça, c'est des choses qui m'intéressent beaucoup, puis autant aussi la photographie. Parfois, ce que j'aime, c'est, en fait, c'est très satisfaisant d'avoir une composition visuelle. Puis je pense à, tu sais, des compositeurs, disons, John Cage. Je sais pas, on dirait que quand j'écoute quelque chose où je vois une partition qui est plus abstraite, pour moi, ça vient tout de suite avec comment je mettrais ça en concert, en spectacle. C'est pas juste de jouer la musique. On dirait que je me suis complètement, c'est un gros mot, mais blasée d'un concert que je dis récital, où les personnes viennent juste jouer des pièces, mais qu'il n'y ait pas un contour. Puis c'est pas obligé d'être sensationnel avec des feux d'artifice, là, mais pour moi, c'est vraiment important. C'est pour ça que le théâtre m'interpelle autant aussi, je pense. Émilie, dans cette veine-là, on va écouter justement, parce que tu ouvres une perspective intéressante, on va écouter un extrait d'une création de François Sarran qui utilise le corps là, comme instrument de percussion. On écoute ça. Connect the device to the grounded plug for guaranteed use of the lip in the pipes. Well, open. Vous écoutez La Croche-Oreille, une aventure sonore sur les ondes de CKRL 89.1. Gaëtan Gosselin avec vous jusqu'à 22h. J'accueille ce soir Émilie Fortin, musicienne, improvisatrice et artiste sonore qui performe, chose rare, à la trompette. Alors, elle nous raconte son parcours, ses passions, ses projets à venir. On poursuit ensemble l'écoute de l'entretien qu'elle m'accordait il y a quelques semaines. No. Here is too hard, there is too soft. Never use the engine without heating the membrane of the hinge of the pipe in the grounded plug. Otherwise you risk. Yes, a big risk, my goodness, of lowering the lip in the pipe of the membrane in the tank of the left metal pin in your hand. Well, well, well. Now, you must heat the membrane in order to receive the reward. Use the lips of the pipe in the tank. It's the only way to make the engine. Hot! And efficient. Otherwise, the whole device will not reach the point of Émilie, j'avais envie d'aborder cette question avec toi parce que tu, bon, évidemment, pratiques un instrument, mais aussi tu es versée dans la pédagogie, dans l'enseignement. Et j'aimerais t'entendre là-dessus sur l'importance que ça prend pour toi, que ce volet de passeur, de passeuse, là, à la fois de l'expérience et de la connaissance musicale à travers ton instrument puis à travers ton expérience. Bien, c'est super important pour moi. Puis je pense que ça vient peut-être du fait que, provenant d'une petite ville, j'ai quand même eu accès, j'ai eu accès grâce au conservatoire, grâce à mon école secondaire à la musique, mais j'ai l'impression que c'est arrivé un peu sur le tard, ma découverte de tout ce qui me fait vibrer maintenant. Puis la trompette était un instrument très abstrait, dans le sens que c'est pas un piano où on voit nos mains, mais on parle beaucoup de ce qui se passe à l'intérieur du corps. J'ai l'impression que en fait, pas le choix qu'on doive réapprendre une, deux, sinon trois fois à jouer de l'instrument à mesure qu'on change de professeur ou qu'on comprend un peu plus notre corps. Donc, pour moi, c'est tellement important. Si mes élèves peuvent comprendre un peu plus tôt ce que moi, j'ai compris tard, bien, ça me fait tellement plaisir. Puis, j'ai l'impression que c'est pas un devoir, mais j'ai tellement reçu que pour moi, ça fait tellement de sens de redonner et ça me permet, il y a une partie très égoïste là-dedans qui me permet en fait de comprendre vraiment mieux comment mon instrument fonctionne et ce qui est drôle, c'est que parfois, des techniques que je vais utiliser qu'on appelle de jeu étendu comme un split tone, qui est une façon de jouer avec les lèvres un peu plus serrées, bien, en fait, n'importe qui commence la trompette a des excellents split tones, mais on était comme, non, c'est pas comme ça qu'on joue, on revient dans 15 ans avec ça. Donc, ce que j'aime, c'est que ça m'amène même à découvrir moi-même des techniques. Puis je pense, comme on disait, bien, la trompette est un instrument peut-être un peu moins connu. Pour moi, l'enseignement va aussi de dire, j'ai ces connaissances-là, est-ce que je peux tout simplement les partager avec des gens qui étudient en composition ou de trouver aussi, pour moi, de trouver sa voix créatrice, c'est très important. Puis je trouve que l'université fonctionne pour bien des gens, mais peut-être pas pour tout le monde. Puis si j'avais été exposée à des choses, on va dire, un peu plus funky plus tôt, bien, tu sais, je m'en suis bien sortie, là, je suis là maintenant, mais peut-être que j'aurais aimé ça de dire, je viens de commencer l'université, puis je suis déjà exposée à ça. Je pense que ça aurait été vraiment encore plus enrichissant. Donc, c'est très important pour moi. Oui, tout à fait. Émilie, on va écouter une autre création. C'est un extrait d'une pièce qui s'intitule « Passage ». Projet réalisé par Alexandre David, avec lequel tu as collaboré. On écoute un extrait de cette pièce. Thank you. Émilie, j'aimerais qu'on parle de ton engagement social, parce que, bon, tu as fait une mission humanitaire à Haïti, parce qu'on parlait de l'enseignement tout à l'heure. Mais ici même, dans la communauté, tu es très active et puis, bon, tu as créé il y a quelques années peut-être, le collectif Baccalari. Et j'aimerais que tu me parles de cet ensemble, ce collectif, un peu l'esprit qui l'anime et puis, bon, un petit peu l'histoire de ça, mais je t'écoute. Oui, c'est ça. Bien, Baccalari a été créé en 2018. Puis en fait, c'est venu du désir de « j'aimerais créer plus de pièces à la trompette et j'aimerais faire des concerts ». Cependant, la trompette étant, comme on a dit, un instrument physique, faire des récitals d'une heure, je ne sais pas, plusieurs fois par année, c'est peut-être pas réaliste. Et c'est là que m'est venue l'idée de dire « mais je trouve que la musique solo est souvent un peu trop universitaire, c'est-à-dire qu'on est obligé, pendant notre parcours, de jouer des pièces solo, de jouer des pièces contemporaines. Et il y a un corpus d'œuvres incroyable qui souvent tombe dans l'oubli, bien, pour des mesures, soit financières, ça coûte plus cher de payer un soliste, ou bien, on a tellement des beaux ensembles aussi. Puis j'étais comme, bien, c'est le fun, les ensembles, mais pourquoi créer quelque chose qui existe déjà tant? Donc, pourquoi pas créer un collectif de solistes qui nous permettra, en fait, qui donnerait une plateforme de rejouer des pièces qui ont déjà été écrites, mais aussi de faire des commandes d'œuvres. Donc, au début, ça avait commencé avec Charlotte Layek à la clarinette et Michael Mansuretti au tuba, parce que c'était des gens que j'appréciais vraiment beaucoup, qui étaient proches de moi. La pandémie est arrivée, les projets se diversifient avec les personnes et éventuellement, là, j'étais comme, je pense que c'est le moment d'ouvrir le bassin d'interprètes. Et donc, Baccalari est devenu ce collectif qui change d'interprète de projet en projet, avec des gens qui reviennent, mais avec toujours l'esprit de « on fait de la musique solo ». Mais qu'est-ce que la musique solo et surtout, comment on peut amener ça avec l'étape supérieure? Émilie, dans cette veine-là, on va écouter une pièce, ça s'appelle « Known Territories », création de Sophie Dupuis, sur laquelle tu participes, toi, à titre de soliste sur cette pièce. Et puis, c'est une création. Et puis, on a Émilie Fortin à la trompette. On t'écoute. Thank you. Émilie, on pourrait discuter longuement. C'est fascinant, ce parcours, cette trajectoire là, que tu as emprunté depuis quelques années maintenant. Il y a des projets qui s'amènent. J'aimerais qu'on parle des projets qui s'amènent de ton côté, à la fois sur le plan perso, mais aussi sur le plan de la diffusion. Je veux dire de l'expérimentation musicale, de l'impro, bon, un travail que tu es en train de concocter. Parle-nous de ça. Oui, bien, je vais commencer tout de suite avec le plus gros projet qui s'en vient, qui est justement avec le collectif Bacarlari, en collaboration avec l'ensemble ILEA, qui est dirigé par Kevin Gironnet, donc l'ensemble d'improvisation libre électro-acoustique. Donc ça, c'est le fun parce que c'est un projet qui a commencé il y a 2 ans. On a eu une résidence il y a 2 ans à la Cité des Hospitalières en transition, qui est vraiment très centre-ville. Puis, en fait, Kevin m'a approché avec l'idée de créer quelque chose dans un espace. Donc, l'espace devenait vraiment autant au même niveau que les interprètes, que la musique. Et cette chapelle-là, en fait, est incroyable. Il y a une réverbération de 8 secondes environ. Donc, puis c'est immense. Puis, il était comme, on devrait faire une collaboration, on devrait faire quelque chose. J'étais comme, d'accord, on y va. Puis là, on a fait une résidence environ 10 jours. Puis, on a eu l'idée d'avoir un format de pièce solo, donc Bacarlari, entrecoupé d'improvisation. Et je mets des guillemets à improvisation parce que oui, c'est de la musique improvisée, mais il y a eu quand même une grande structure. Je dirais qu'on a quand même semi-dirigé les choses pour créer justement, non pas un concert récital, mais un concert fleuve. C'est à peu près 1h20. Sans interruption, ça va être déambulatoire. Donc les gens sont invités à se promener dans l'espace parce qu'on le sait, la musique va pas nécessairement sonner de la même façon, dépendamment où on est. Donc, il va y avoir 6 créations. On compte des gens comme Pierre-Luc Lecourt à l'électronique. Je vais faire une pièce d'Olivier Saint-Pierre. Kevin a écrit une pièce à l'orgue pour Gabriel Arnaud-Blouin, entre autres. Et on va avoir 4 représentations, ce qui est aussi vraiment important. Je trouve que parfois, on a juste un concert pour tant d'efforts. Donc, ça va être à la fin novembre, 29 novembre, 30 novembre, 1er décembre, et c'est en collaboration avec Innovation en concert. Donc, toute l'information se trouve en ligne, soit sur nos pages de réseaux sociaux, sur Internet. Mais ça, je pense que ça va être vraiment un très, très beau concert. Tout à fait. Des gens qui sont passés à l'émission pour quelques-uns, c'est certain. Et donc, on retient les dates que j'inscrirai sur le site de la Croche-Oreille. Et pour compléter, dans ton univers perso, est-ce qu'il y a des projets là, qui sont en train de mûrir ou en voie de réalisation? Oui, tout à fait. Donc, comme je disais, je suis allée au Nouveau-Brunswick il n'y a pas très longtemps pour la création d'un concerto de trompette, mais avec un angle pédagogique, en fait. Donc, on revient à ce qu'on disait. Donc, ça va être pour orchestre de jeunes / communautaires. Pourquoi? Pour donner un premier contact avec la musique de création à des ensembles qui, peut-être, n'auraient pas la chance. Donc, ça va être avec ma collègue Sophie Dupuis, ma collègue et amie. Puis, ça va être première en à Edmundston en juin et Québec en avril. Donc ça va être quand même un projet qui va prendre beaucoup de place. Ça va être à surveiller. Très beau projet. Émilie Fortin, grand merci de m'avoir accueilli chez toi ce matin dans Rosemont, la petite patrie, un quartier vraiment sympathique. Et puis, ben, au plaisir de te recroiser, en tout le moins à Québec, là, pour ce projet qui s'en vient. Alors, merci beaucoup. Merci Gaétan, bonne journée. Ainsi s'achève l'accroche-oreille pour ce soir sur des créations et improvisations de l'artiste sonore et trompettiste Émilie Fortin. Un grand merci à Émilie ainsi qu'aux artistes, musiciens, musiciennes, collaborateurs, collaboratrices de nous avoir permis l'écoute de leurs créations. On peut retrouver des extraits des performances d'Émilie Fortin sur Internet et sur YouTube. Comme à l'habitude, vous retrouverez la liste des pièces entendues ce soir sur le site L'Accroche-Oreille ainsi que les émissions pour écoute et réécoute à votre guise. Quant à moi, je suis de retour la semaine prochaine, 21h, sur les ondes de CKRL pour une autre aventure sonore. Au microphone, c'est Gaétan Gosselin qui vous salue.